Courage, ami. Je n'ai jamais entendu au Parlement un raisonnement plus sain que le tien. Et vous, ne profitez pas de ce que vous êtes Quaker pour troubler tout partout où vous êtes. Vous parlez rarement, mais vous devriez ne jamais parler. Vous jetez au milieu des actions des paroles qui sont comme des coups de couteau. Ce n'est que du bon sens, maître John. Et quand les hommes sont fous, cela leur fait mal à la tête. Mais je n'en ai pas de remords. L'impression d'un mot vrai ne dure pas plus que le temps de le dire. C'est l'affaire d'un moment. Ce n'est pas là mon idée. Vous savez que j'aime assez à raisonner avec vous sur la politique. Mais vous mesurez tout à votre toise et vous avez tort. La secte de vos Quakers est déjà une exception dans la chrétienté. Et vous êtes vous-même une exception parmi les Quakers. Vous avez partagé tous vos biens entre vos neveux. Vous ne possédez plus rien qu'une chétive subsistance. Et vous achevez votre vie dans l'immobilité et la méditation. Cela vous convient, je le veux. Mais ce que je ne veux pas, c'est que dans ma maison, vous veniez en public autoriser mes inférieurs à l'insolence. Et que te fais-je, te prie, leur insolence? Le bêlement de mouton t'a-t-il jamais empêché de les tondre et de les manger? Y a-t-il un seul de ces hommes dont tu ne puisses vendre le lit? Y a-t-il dans le bourg de Norton une seule famille qui n'envoie ses petits garçons et ses filles tousser et pâlir en travaillant tes laines? Quelle maison ne t'appartient pas et n'est chèrement louée par toi? Quelle minute de leur existence ne t'est pas donnée? Quelle goutte de sueur ne te rapporte un shilling? La terre de Norton, avec les maisons et les familles, est portée dans ta main, comme le globe dans la main de Charlemagne. Tu es le baron absolu de ta fabrique féodale. C'est vrai, mais c'est juste. La terre est à moi, parce que je l'ai achetée. Les maisons, parce que je les ai bâties. Les habitants, parce que je les loge. Et leur travail, parce que je le paye. Je suis juste selon la loi.